La perfection dans chaque détail. Dell vous présente le nouveau PC portable ultra fin XPS 13 avec Windows 10 Pro, un écran Infinity Edge et une finition parfaite. Découvrez le nouveau Dell XPS 13 par vous-même, à la Fnac et sur Dell.fr. Dell recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, tordons le cou à une idée reçue. Non, les footballeurs ne sont pas tous des machines à jouer assis sur un tas d'or. Certains ont une conscience, voire une conscience politique. Pour preuve, voici l'histoire d'un club qui fut bien plus qu'un club. Le SC Corinthians, une équipe de Sao Paulo très populaire dans tout le Brésil, où l'on a expérimenté un mode de fonctionnement démocratique dans un pays écrasé par la dictature. En 1964, des généraux prennent le pouvoir au Brésil, suppriment les élections au suffrage direct et emprisonnent les opposants, la panoplie complète du régime autoritaire. Pendant 20 ans, une chape de plomb s'abat sur toute la société brésilienne, y compris dans les clubs de foot. Mais en 1981, chez les Corinthians, on met en place un fonctionnement inédit, le débat et un système de vote pour tous les aspects de la vie du club. Chaque membre dispose d'une voix et tout le monde peut donner son avis. Ce fonctionnement va être baptisé « Démocratie Corinthiane », une expérience qui n'aurait jamais pu voir le jour sans le soutien et la participation active des joueurs. Parmi eux, on retrouve notamment Socrates, joueur de classe mondiale, mais également médecin. Vladimir, arrière-gauche, talentueux, syndicaliste engagé, et Casagrande, jeune avant-centre prolifique, fan de rock'n'roll. Grâce à leurs discours et leurs actions, tous les salariés du club ont participé au large mouvement populaire qui a conduit à la chute de la dictature en 1985. Au pays où le foot est roi, des hommes ont ainsi montré que ce sport pouvait être aussi un outil de lutte sociale. Notre invité aujourd'hui, David Rank, enseignant-chercheur en sciences sociales à l'ESCA, une école de commerce. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Corinthians do meu coração. Tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ir além. Você pode não gostar. Tu peux ne pas aimer le football. Mais si tu ne comprends pas l'importance du foot dans la vie quotidienne au Brésil, alors là, tu ne peux pas comprendre le Brésil. Você não entende o Brasil. 4 décembre 2011, Sao Paulo. Comme chaque dimanche depuis plus de 100 ans, c'est jour sacré, car c'est jour de foot. Dans cette ville aux 10 millions d'habitants, la plus grande du Brésil, il existe trois grands temples où l'on célèbre le dieu ballon rond. Trois clubs qui se partagent les faveurs des supporters, le Palmeiras, le Sao Paulo FC et le SC Corinthians. Ce jour-là, la ville est en effervescence, c'est jour de derby. Les Corinthians affrontent Palmeiras dans leur stade Passamambu à l'architecture Art Deco. C'est la dernière journée du championnat, il suffit d'un match nul aux Corinthians pour être sacré champion du Brésil. Ce jour devait être une grande fête. Mais un homme est mort dans la nuit, un homme que dis-je, un mythe. Sa photo fait la une de tous les journaux. C'est un footballeur. Il est immense, 1m93. Longiligne, il est surnommé le maigre. Ses cheveux et sa barbe lui donnent un air de Che Guevara. Son nom, Socrates Brasileiro, le Socrate brésilien. Au pays où le football, répétons-le, est une religion, l'ancien joueur des Corinthians, l'ancien grand prêtre, est devenu Dieu. Et un prophète aussi. Selon la légende, Socrates avait prononcé un souhait, « Je veux mourir un dimanche où le Corinthians sera sacré champion ». Dans le stade, ce jour-là, c'est minute de silence. La prophétie de Socrates trotte dans la tête des joueurs du Corinthians qui lui rendent hommage avant le coup d'envoi du match. Placé sur le demi-cercle du rond central, immobile, ils lèvent tous le poing droit façon Black Panthers. Les 40 000 supporters suivent l'exemple. C'est de cette manière que Socrates célébrait ses buts. Pourtant, des buts, il n'y en aura pas dans ce match qui se termine par un triste 0-0, mais peu importe. Un match nul qui permet quand même, et avant tout aux Corinthians, de devenir champion du Brésil. La prophétie de Socrates s'est réalisée. dans les tribunes. C'est un jour à la fois triste et joyeux. Oui, les deux. Les supporters pleurent en scandant le nom de leur idole. Partout dans le pays, les hommages à l'ancien capitaine de la Seleção se multiplient. Ils ont tous en mémoire la fabuleuse sélection brésilienne de 1982, éliminée par la grande Italie d'Antonioni de Conti et surtout de Paolo Rossi, qui décrochera cette année-là le titre mondial. L'Italie, ce pays où Socrates avait joué sous le maillot de la Fiorentina. D'ailleurs, le même jour, un supporter florentin avait déroulé une banderole dans son stade le 4 décembre 2011. Le docteur s'envole au ciel pour faire une talonnade à Dieu. Socrates, le footballeur de génie, qui avait fait de la talonnade sa spécialité, et bien il était aussi médecin. Figure originale dans le foot, figure rebelle, il a forgé sa légende autant sur le terrain que dans les vestiaires de son club, les Corinthians. Au début des années 80, il était l'une des figures emblématiques de la démocratie mise en place par le club. Un mouvement qui s'est érigé contre la dictature des militaires. Et personne, en ce jour de deuil, non personne n'a oublié cette expérience démocratique des Corinthians. Car comme l'a dit Lula, ancien président du Brésil et premier supporter du club, ailleurs ils ont des supporters, aux Corinthians, on a des militants. Et c'est peut-être pour se rappeler cette période que cette vieille dame se met à entonner l'hymne du club. Et elle n'est pas la seule, c'est tout un peuple prêt à défendre la démocratie qui se joint à elle. Campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Haviam se deslocado em direção a Minas. Aliaram-se às forças da 4ª Região Militar e da Polícia de Minas. 40 ans plus tôt, le 31 mars 1964, c'est le coup d'État au Brésil. Des militaires s'emparent du pouvoir et imposent une dictature. Soutenue par les États-Unis, cette oligarchie de généraux invoque la menace communiste pour restreindre les libertés classiques. Ils abolissent l'élection présidentielle au suffrage universel direct et lancent des vagues d'arrestations d'opposants, qui s'accompagnent souvent de tortures. Le nouveau climat de terreur et de suspicion généralisée inquiète les Brésiliens. Parmi eux, un homme est particulièrement soucieux. Il s'appelle Raimundo Vieira de Oliveira. Il habite la ville de Ribeirão Preto, au nord de São Paulo. C'est le père de Socrates. Peu après le coup d'État, il allume un grand feu dans son jardin. Il y jette des livres. Cette scène va profondément marquer son fils. Il s'est passé quelque chose un jour qui m'a marqué. Et j'ai surpris mon père en train de se débarrasser de ses livres. J'ai pas compris parce qu'il n'a rien expliqué. Il avait beaucoup de livres, il avait Le Capital de Marx, il avait Engels, il lisait tout, de gauche et de droite. Et là, il s'en est débarrassé parce qu'il pensait que ça pouvait lui porter préjudice. Pourquoi est-ce que tu as brûlé ces livres qui étaient là ? Mais je n'ai pas compris le sens de tout cela et je suis resté marqué. Ça a été un choc, vraiment. Ce père autodidacte, né dans une famille pauvre, passionné de littérature, a choisi de donner à ses fils des prénoms pour le moins atypiques. Le premier s'appellera Socrates, en référence au philosophe. Le deuxième Sosthène, le nom d'un disciple de saint Paul. Le troisième, Sophocle, en référence à l'auteur d'Oedipe Roi, bien sûr. Excédée par cette lubie, la mère donnera, elle, des prénoms plus classiques aux trois derniers fils, quasiment catimini, Raimundo Junior, Raimar et Rai, le petit dernier de la famille, qui sera lui aussi footballeur et marquera l'histoire du PSG. En attendant, en ce début des années 70, c'est son grand frère, Socrates, qui fait parler de lui, grâce à ses talents d'abord. Un début de carrière prometteur, qui ne gêne pas pour autant la poursuite de ses études de médecine. Talentueux, il s'entraîne peu et révise en vitesse ses cours, mais tout lui sourit. Il marque des buts et réussit ses examens. À 20 ans, il se marie avec Regina, une jeune étudiante. Quelques mois plus tard, c'est la naissance du petit Rodrigo. Cette nouvelle vie de famille ne le freine pas dans la vie de fêtard. Non, il sort beaucoup pour voir ses amis, fumer des cigarettes et boire de la bière, beaucoup de bière. Cette hygiène de vie n'empêche pas le docteur, comme on le surnomme, d'être courtisé par tous les clubs de Sao Paulo. Le sociologue du sport, Michel Raspo, retrace ainsi le parcours de Socrates au micro de France Culture. Socrates a commencé à jouer dans un tout petit club d'une petite ville moyenne de l'état de São Paulo. Et c'est donc là qu'il a commencé sa carrière, à jouer dans le championnat de l'état de São Paulo. Il a été meilleur buteur du championnat une année, et c'est à partir de là que les grands clubs se sont positionnés sur lui. Donc il y avait plusieurs clubs qui souhaitaient l'engager, le Palmeiras, le club des Italiens, le São Paulo, le club plus ou moins de la bourgeoisie pauliste, et puis le Corinthians, donc le club créé en 1910 et qui est en quelque sorte le club du peuple de São Paulo. À son arrivée au Corinthians en 1978, Socrates découvre l'agitation sociale qui règne dans São Paulo. La ville est en effet depuis un an le théâtre de grandes grèves qui secouent le secteur métallurgique. À la tête de cette révolte, on retrouve un leader syndicaliste charismatique. Son nom, Luiz Inácio Lula da Silva, futur président du Brésil. Grand supporter de l'équipe du Corinthians, Lula rêve de remplir un stade pour haranguer la foule lors d'un grand meeting, comme ici dans cet archive de documentaire « Démocratie en noir et blanc ». Camarades, c'est le moment de faire grève. Je suis allé voir un match entre Corinthians et Guarani. Le stade de Morumbi était plein à craquer. J'étais avec un groupe de camarades et je leur ai dit « Le jour où on regroupe autant de gens dans notre assemblée, on commencera à changer l'histoire du Brésil. » Et en mars 1979, nous avons mis 100 000 personnes dans le stade. C'était vraiment bien. Ce rassemblement historique marque le départ d'une conquête sociale et démocratique. L'opposition à la dictature se fédère entre l'intelligentsia et les mouvements ouvriers et paysans. Lorsque le général João Figueiredo reprend la tête de la dictature en 1979, il doit faire face à une forte crise économique. Touché par le choc pétrolier et le poids de la dette, l'économie brésilienne est à l'agonie. L'inflation s'envole et provoque la colère populaire. Ça sent la fin de règne pour l'oligarchie militaire à la tête du pays. Alors, le pouvoir se lance dans ce qu'on appelle l'abertura, une politique d'assouplissement du régime dictatorial. Mais en 15 ans, ce régime a imposé sa marque dans tous les secteurs de la société, y compris dans le football. Et dans ce système, les joueurs ne sont que des pions, comme l'explique un supporter des Corinthians sur France Culture. La dictature n'était pas seulement exercée par l'État sur la population, mais aussi dans les administrations des clubs. Les clubs avaient un régime dictatorial aussi. Les joueurs, les sportifs étaient traités comme des esclaves. Ils étaient obligés de suivre toutes les règles sans questionnement. Et en plus, ils ne pouvaient pas décider de leur carrière. En cette fin d'année 1981, le vent de la révolte sociale va pénétrer à l'intérieur d'un vestiaire de foot, celui des Corinthians. À la tête du club, depuis de nombreuses années, Vincent Mateus, un homme d'affaires proche du pouvoir, cède sa place à celui qu'il pense être son homme de paille, Valdemar Pires. Seulement voilà, le nouveau président va faire un choix qui va changer l'avenir du club. Il nomme Adilson Monteiro Alves comme directeur sportif. C'est un sociologue de 35 ans, il ne connaît presque rien au foot. Pistonné par son père, vice-président du club, Adilson Monteiro accepte cette mission. C'est l'occasion pour lui de poursuivre son combat contre la dictature à une autre échelle, celle du foot. Car Monteiro Alves est une figure de la contestation étudiante des années 70. Il est d'ailleurs passé par les geôles de la dictature. Et il raconte cette période dans le documentaire « Les rebelles du football » proposé par 13 productions et réalisé par Gilles Pérez et Gilles Roff. Beaucoup d'entre nous ont été prisonniers, arrêtés, torturés. D'autres se sont exilés. Ingénus et romantiques. Nous étions des révolutionnaires romantiques et naïfs. Naïfs parce qu'on affrontait les balles avec nos seules poitrines. De révolutionnaire romantique, il va se transformer en activiste pragmatique. Et il a sa petite idée pour transformer le vestiaire et surtout obtenir des résultats. Les Corinthians sortent alors d'une saison catastrophique qui les a précipités en 12e division. Lors de son discours de présentation, il dit aux joueurs « Je m'y connais en biscuits et en sociologie, mais pas en football. Alors dites-moi ce qui ne va pas ». La réunion, qui devait durer 15 minutes, se prolonge toute la nuit. Certains joueurs sont circonspects, mais d'autres sont très réceptifs, à l'image de Socrates, Vladimir et Casagrande. Le journaliste brésilien Juca Fury explique comment s'est formé ce mouvement qu'on appellera plus tard « démocratie corinthienne » dans le documentaire « Les rebelles du football ». La démocratie corinthienne a réuni à cette époque, dans des circonstances historiques, un médecin intelligent et très talentueux comme joueur, Socrates, un jeune rebelle de 19 ans qui s'appelait Casagrande, un chevelu qui, au moment où il a été champion avec les Corinthians, a même été arrêté pour possession de marijuana. Un joueur noir très sympathique, intelligent, qui s'appelait Vladimir, et un sociologue issu de l'université de São Paulo, Adilson Monteiro Alves, qui n'avait aucune expérience comme président d'un club de football et qui a assumé la direction sportive de l'équipe. Et c'est Socrates qui, dans le vestiaire, relaie le discours du sociologue. Socrates, mais aussi Casagrande et Vladimir, déjà très engagés politiquement. Socrates a rejoint le Parti des Travailleurs, fondé par Lula un an plus tôt. Vladimir, lui, est animateur du syndicat des joueurs de São Paulo. C'est aussi l'un des premiers footballeurs à dénoncer la ségrégation raciale des joueurs noirs. Quant à Casagrande, qui n'a que 19 ans, il s'est déjà illustré en organisant une manifestation pour l'amnistie des prisonniers politiques. Cette alchimie entre joueurs et directeurs sportifs va produire un nouveau système de gestion du club. Toutes les questions de la vie des Corinthians vont être soumises à un vote. Chaque employé du club dispose d'une voix, qu'il soit joueur, soigneur, chauffeur de bus ou jardinier, bref, star ou anonyme. L'une des premières mesures votées est une répartition plus équitable des recettes de la billetterie, du sponsoring et des droits télévisés entre tous les employés du club. Plus de justice sociale et plus de liberté pour les joueurs également, qui peuvent fixer les horaires des entraînements. On est loin du respect béat, voire martial, dont font preuve les footballeurs d'aujourd'hui vis-à-vis de leur entraîneur, dont ils parlent comme d'un chef, voire du chef suprême. Les joueurs obtiennent également la suppression des mises au vert avant les matchs, ces moments où ils étaient retenus dans un hôtel, pour éviter les virées nocturnes, notamment. L'expérience ira même jusqu'au vote pour le choix d'entraîneur et des nouvelles recrues. Attention, le rêve éveillé n'est pas terminé, car mieux encore, parmi les premiers militants de cette autogestion version ballon rond, se distingue Walter Casagrande, le jeune avant-centre fan de rock'n'roll, tout un esprit. Casagrande raconte cette période dans Démocratie en noir et blanc. À cette époque, au début des années 1980, le projet des Corinthians était ce dont j'avais toujours rêvé. J'en rêvais dès mon arrivée au club en 1975. Être joueur de foot, mais vivre ma vie. Pouvoir sortir, prendre une bière, aller dans un bar, voir un concert de rock, aller au théâtre, m'exprimer politiquement, vivre ma vie. Ils ont commencé à me demander mon avis. On va recruter ce joueur, que penses-tu de lui? Crois-tu que nous devons faire la mise au vert? Quel jour allons-nous voyager? Ça m'a plu, je me suis senti citoyen. De surcroît, le vent de liberté qui souffle sur le vestiaire des Corinthians s'est traduit par d'excellents résultats sur le terrain. Le jeu proposé par l'équipe est offensif, il est même artistique. Elle enchaîne, cette équipe, les victoires et elle réenchante le Brésil. Mais en ce début d'année 82, le peuple ne parle que d'une chose, la Coupe du Monde qui va se jouer en Espagne. Socrates est le seul joueur des Corinthians à être sélectionné en CLSAO. C'est même le capitaine de la sélection, Henri Verde. Maillot jaune, short bleu, bas blanc. Et Socrates déclare à la presse « Je suis sûr que d'une chose, je serai champion du monde en 1982, coûte que coûte. » Et il est prêt à tous les sacrifices. La preuve, il arrête même de fumer pour arriver dans les meilleures conditions en Espagne. Après les succès de 58, 62 et 70 sous l'ère Pelé, tout un peuple l'espère. Socrates va rapporter la 4e Coupe du Monde au Brésil. Mais c'était sans compter sur le talent de son rival historique, l'Italie. Mais ça, c'est une autre histoire. Et ce n'est qu'une histoire de sport. Ce qui nous intéresse ici dépasse le sport, il le transcende. Hoje nesse desafio, o perdedor vai correr. Entre Corinthians e São Paulo, eu quero ver o pau comer. E hoje nesse desafio, olha, o perdedor vai correr. E entre Corinthians e São Paulo, eu quero ver o pau comer. Sou filho São Paulino, o São Paulo é time honrado. Sou São Paulo um time de babaú. Hoje nesse desafio o perdedor vai correr. Entre Corinthians e São Paulo eu quero ver o pau comer. Esse time do Corinthians é clube de ferrapato. Só tem gente da ralé, cheio de cabra safado. Só tem tristeza e miséria, um clube de indecente. Uma mala no estádio, esse bando de indigente. Esse tal de São Paulino é um torcedor metido, que só pensa em riqueza e leva do mais cumprido. São Paulo é galo velho, que não manda no terreiro. Tá vivendo só do nome, tomando no feio. Hoje nesse desafio, o perdedor vai correr. E entre Corinthians e São Paulo eu quero ver o pau comer. No Corinthians tudo é feio, parecendo um caburé. É um time fedorento, com catinga de chulé. Mosqueteiro e boiola, torcida não tá com nada. Um lote de bagunceiro só toma na feijoada. São Paulo pisa na bola, é pó de arroz sem graça. Sendo um time de chibungo, roda a bolsinha na praça. Tem um povo esquisito, de cornélio e sapatão. Tá cheinho de traveque, lotado de cafetão. Hoje nesse desafio, perdedor vai correr. Entre Corinthians e São Paulo eu quero ver o pau comer. São Paulo é diplomacia na arte de jogar bola. Corinthians é de maloqueiro, povo ruim da cachola. É subdesenvolvido, preto e branco desbotado. Um timinho meia boca de pinguço e viciado. Corinthians é time macho, trabalhador competente. Donzelo lá não encosta, pois a boca é muito quente. Na arte do futebol, Coringão é soberano. Não tem homem no São Paulo e chama um corintiano. Hoje nesse desafio o perdedor vai correr. Entre Corinthians e São Paulo eu quero ver o pau comer. E hoje nesse desafio o perdedor vai correr. E entre Corinthians e São Paulo eu quero ver o pau comer. Hoje nesse desafio o perdedor vai correr. E entre Corinthians e São Paulo eu quero ver o pau comer. Hoje nesse desafio o perdedor vai correr. E entre Corinthians e São Paulo eu quero ver o pau comer. Hoje nesse desafio o perdedor vai correr. Entre Corinthians e São Paulo eu quero magnifique tir de Socrates là de 20 mètres, une splendide action du numéro 8 brésilien, tir fabuleux, qui a pris en défaut l'excellent Dassaïef. 14 juin 1982, Séville, détour par le sport. La Seleção débute la Coupe du Monde face à l'URSS. Les 68 000 spectateurs ont les yeux rivés vers les deux stars de l'équipe brésilienne, le docteur Socrates et Zico, surnommé le Pelé Blanc. N'oublions pas non plus le troisième Beatles, Falcao, fabuleux soliste lui aussi. Les Brésiliens au maillot jaune et or réalisent un début de compétition parfait. 4 matchs, 4 victoires, circulez. Le Brésil a battu la France, l'Angleterre, l'Allemagne à la même semaine, à 80 ans. Quand ils sont arrivés à Espagne pour la Coupe du Monde, tout le monde a pensé oh, « Alors, le Brésil va gagner. » Le 5 juillet 82, dans le stade Sarria à Barcelone, la tension est palpable. Ce Brésil-Italie a des airs de quart de finale. Des airs seulement, car on joue encore le deuxième tour de la Coupe du Monde en poule, un mini-championnat. Alors on fait les calculs et on constate que grâce à la différence de but, les Brésiliens peuvent se contenter d'un match nul pour garder la tête du groupe et accéder ainsi aux demi-finales. Mais l'Italie commence très fort dès la cinquième minute avec un but du héros inattendu de cette Coupe du Monde, l'Italien Paolo Rossi. L'attaquant, qui n'avait pas encore marqué dans la compétition, va réaliser le match de sa vie et celui de la squadra au passage. Mais face à lui, il y a la paire magique au milieu de terrain brésilien, Socrates et Zico, qui réalise une démonstration technique pour égaliser. Vai tentar lançar Zico. Zico com Gentili, grande lance de Zico. Pra Socrates invadiu, pintou, atenção, bateu. Gol! Brasil! À la 25e minute, l'Italie reprend l'avantage par l'inévitable Rossi, 2-1. Lorsque les Brésiliens égalisent à la 68e minute, ils sont virtuellement qualifiés. Mais ils continuent tout de même d'attaquer avec panache pour aller chercher la victoire. Or, 6 minutes plus tard, Paolo Rossi, encore lui, brise le rêve de 120 millions de Brésiliens et réalise un triplé. L'Italie s'impose. Rossi marquera ensuite 2 buts en demi-finale contre la Pologne et 1 en finale contre les Allemands, chapeau l'artiste. Pendant ce temps, la belle équipe de Michel Platini sombrait dans l'injustice d'une nuit sévillane et l'Italie remportait cette Coupe du Monde 82, accrochant une troisième étoile à son maillot bleu azur. pour tous les joueurs brésiliens. Cette défaite, qui sera surnommée le drame de la Sarria, sera l'un des plus grands traumatismes de leur carrière sportive. Socrates, d'ailleurs, refusera toute sa vie de regarder la vidéo du match, ajoutant « Quand je suis revenu de la Coupe du Monde, après une belle déception, c'est comme si je revenais dans les bras de ma mère. J'avais hâte de me remettre à jouer, de reprendre contact avec notre peuple, avec notre réalité des Corinthians. » Ce second semestre fut fantastique. C'est vrai, Socrates se console en retrouvant ses coéquipiers des Corinthians avec qui il enchaîne les victoires. L'année 82 marque aussi une étape décisive dans l'expérience démocratique du club. Le président et le directeur sportif ont été réélus pour un nouveau mandat. Ils ont appelé leur liste « Démocratie Corinthiane ». Ce terme s'affiche désormais sur le maillot des joueurs. La tenue noire et blanche devient un symbole de la résistance à la dictature en place au Brésil depuis 1964. Et pour symboliser la violence du régime, les Corinthians ont également ajouté des taches rouges sur leur maillot. Le sang du peuple, le sang des opposants. En novembre 82, face à la révolte populaire, le pouvoir organise des élections au suffrage direct pour désigner les gouverneurs pour chaque État. Le club des Corinthians incite les citoyens à se mobiliser. Ces joueurs portent, inscrits sur leur maillot, la mention « Le 15, allez voter ». Quelques jours avant le scrutin, Socrates, Casagrande et Vladimir font également passer le message, mais d'une manière encore plus originale. Comme chaque week-end, Casagrande se rend au concert de la scène rock brésilienne. Ce soir-là, il a emmené avec lui Socrates et Vladimir pour assister au show de la chanteuse Rita Lee. Alors qu'il se trouve dans la foule, il monte sur scène et offre un maillot des Corinthians à la chanteuse. Rita était fan des Corinthians et nous a fait monter sur scène. Elle nous a fait monter et elle connaissait nos positions politiques. Du coup, on a joint l'utile à l'agréable. Devant des milliers de spectateurs, les trois joueurs des Corinthians, un peu éméchés, dansent et reprennent en chœur la chanson de Rita Lee qui veut mobiliser les électeurs. Et elle dit cette chanson « Mon amour, s'il te plaît, vote pour moi. Je te promets que si je gagne l'élection, je donnerai le pouvoir à ton cœur. » Ces élections de novembre 82 sont un succès pour les partis d'opposition et un pas supplémentaire vers la démocratie. Pour remercier Rita Lee de les avoir accueillis, Casagrande l'invite à assister à la finale retour du championnat de Sao Paulo, une compétition plus importante que le championnat national à l'époque. Casagrande l'a promis à la chanteuse, il va marquer et son but lui sera dédié. Mas que coisa de peladeiro! Olha o doutor, ele viu a Taliba nas proximidades, Everton! Lá vai a Taliba, o Corinthians procura o terceiro. Passou por dois, vai invadir, se arruma pro pé direito, o perigo arrumou. Olha o gol de Casagrande, ninguém acionou nada. Comme prévu, Casagrande marque le troisième but, assure la victoire à son équipe et termine le meilleur buteur du championnat. C'est clair, la démocratie corinthienne n'est pas qu'une équipe de barbus communistes et d'anarchistes, comme la presse aime la qualifier avec condescendance, non. Ce sont avant tout des champions, fiers de pouvoir transmettre un message politique à travers leurs exploits sportifs. Ce que confirme évidemment Socrates. Tocar, a position est bonne, pode virar, deixou pro pé direito, doutor, attention, bateu, tocou. Le plus important, c'était le fait de parler de politique avec le langage du football dans un pays ignorant et mal éduqué. Le langage du foot est universel dans ce pays. Il nous unit. À partir du moment où tu montres quelque chose qui peut être assimilé par des gens de différents niveaux sociaux éducatifs, ça devient un vecteur d'éducation fantastique. Je crois que c'était l'aspect principal du mouvement. Ça a permis une meilleure compréhension de la notion d'action politique, tout en provoquant le changement que le pays exigeait. En janvier 83, le député Dante de Oliveira dépose un amendement pour que le président de la République soit élu au suffrage universel. C'est le début du mouvement Directaja, qui veut dire en portugais et en substance des élections directes maintenant. Dans tout le pays, des rassemblements ont lieu pour soutenir cet amendement. Le mouvement a choisi nos couleurs comme étendard, le jaune, couleur dominante du drapeau brésilien et de la CLSAO. En avril, la crise économique et l'inflation galopante provoquent des émeutes de la faim à Sao Paulo. Malgré la répression, le mouvement Direct Aja prend de l'ampleur et les joueurs des Corinthians se joignent aux manifestations. Sur les terrains de foot, ils deviennent les représentants de la cause démocratique et chaque match est un combat politique. Le club réalise une nouvelle fois une saison extraordinaire et retrouve en finale le Sao Paulo FC qu'il avait déjà battu l'an dernier. Pour soutenir le mouvement Direct Aja, les joueurs ont décidé de marquer le coup en plus des buts. Le 14 décembre 1983, à 21h, devant 88 000 spectateurs et des millions de téléspectateurs, les footballeurs déploient une immense banderole où l'on peut lire « Gagner ou perdre, mais toujours en démocratie ». Vladimir se souvient de ce moment. Cela a été un grand succès. Cela a été merveilleux. Cela a été magnifique de rentrer avec cette banderole et ainsi d'aider à mobiliser la population brésilienne en faveur des élections présidentielles directes. Tout le Brésil a soutenu ce mouvement. Nous étions fiers de participer à éveiller la conscience politique du peuple brésilien. Une fois de plus, les Corinthians sont sacrés champions grâce à un but de Socrates. Le docteur, qui s'apprête à fêter ses 30 ans, est courtisé par de nombreux clubs européens. En Italie, la Fiorentina propose une dizaine de millions de dollars pour son transfert. À son âge, Socrates sait bien qu'il s'agit peut-être de sa dernière chance d'aller jouer en Europe. Mais il ne se voit pas quitter le Brésil, surtout pas à un moment où l'agitation sociale et la fièvre protestataire sont à leur apogée. D'ailleurs, en 1984, d'immenses manifestations sont organisées. Le 10 avril, c'est près d'un million de personnes qui se rassemblent à Rio. 6 jours plus tard, à Sao Paulo, c'est plus d'un million et demi de manifestants qui prennent part au rassemblement. En tête de cortège, on retrouve Socrates, Vladimir et Casagrande. À la fin de la manif, Socrates monte sur la tribune et prend le micro. Je suis sûr que vous pouvez imaginer l'avenir quand nous aurons des élections libres et directes. Ça sera merveilleux. Je suis sûr que vous, vous êtes ici pour lutter pour ce en quoi vous croyez et que nous obtiendrons mercredi prochain. La liberté de tous les Brésiliens. Si l'amendement de Dente Oliveira est approuvé par le Congrès, je ne quitterai pas mon pays. Je ne quitterai pas notre pays. Voilà qui est dit. Si l'amendement pour les élections au suffrage universel est voté, Socrates restera au Brésil. Sinon, direction la Fiorentina, en Italie. Quelques jours plus tard, le Congrès brésilien accepte la tenue d'élections présidentielles, mais au suffrage indirect. Socrates quitte donc le Brésil et rejoint Florence. La même année, Casagrande a subi une blessure grave et les Corinthians perdent la finale du championnat. L'année suivante, en 85, c'est la réélection des instances dirigeantes du Corinthians. Les représentants de la démocratie corinthiane sont supprimés des listes électorales et empêchés Manu Militari de se présenter aux urnes. Voilà, les conservateurs ont repris le pouvoir sur le club et ont mis fin à 3 années d'autogestion. Retour à la case départ, comme avant l'arrivée d'Alilson Monteiro à la tête de la direction sportive, eh bien, le club était géré d'une main de fer et les joueurs n'avaient pas leur mot à dire, comme dans la plupart des clubs brésiliens. Si cette année marque la fin de cette expérience démocratique chez les Corinthians, paradoxalement, c'est aussi celle de la démocratisation du pays avec l'arrivée au pouvoir de Tancredo Neves, qui abroge toutes les mesures mises en place par la dictature. Pour Walter Casagrande, le club des Corinthians aura joué indéniablement un rôle important dans cette transition démocratique. Il s'explique avec cette métaphore footballistique. Pour tous ceux qui se sont battus dès 1964, qui sont morts, ont disparu, ont été torturés, emprisonnés, la démocratie corinthienne a tiré le pénalty. Ils ont joué toutes les actions, mais ils n'avaient pas assez de force pour tirer le pénalty. Ils étaient à bout de force, à force d'être tabassés. La démocratie corinthienne a débarqué et notre seul fait d'armes fut de tirer ce pénalty que l'autre équipe avait obtenu. Le ballon était sur le point de pénalty depuis longtemps, mais il n'y avait personne pour tirer. Retour sur Terre, Socrates est mort. Et lors de la dernière campagne présidentielle au Brésil, de nombreux joueurs au Riverde ont apporté leur soutien au candidat victorieux d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Un président qui s'est déclaré plusieurs fois nostalgique de la dictature militaire, rappelons-le. Aujourd'hui, seuls trois joueurs brésiliens, actuels ou anciens, ont affiché leur hostilité. Paulo André, ancien joueur du Mans Football Club, Juninho, qui a fait les beaux jours de l'Olympique Lyonnais, et Raí, l'ancien capitaine du Paris Saint-Germain et petit frère de Socrates, que des retraités ou des pré-retraités. À l'heure actuelle, 26 joueurs brésiliens évoluent en France. Trois d'entre eux jouent à l'Olympique Lyonnais, Raphaël, Marçal et Marcelo. Le soir de l'élection de Bolsonaro, Raphaël et Marçal ont affiché leur joie sur leur compte Instagram. Marcelo, lui, s'est contenté d'un simple retweet des résultats. C'est qu'il avait déjà affiché son soutien au candidat d'extrême droite, par le passé. Les temps changent. Toda menina baiana tem santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Que Deus dê. Que Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia. O vento a primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também. Que Deus dê. Deus entendeu de dar toda a magia. O vento a primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho. Deus dê. Sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'étonnante histoire du club de foot brésilien, les Corinthians, ou Corinthians, on peut dire comme on veut. Notre invité aujourd'hui, David Ranck, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant-chercheur en sciences sociales à l'ESCA, école de commerce. On a rêvé toute la nuit avec Socrates, si je puis dire. On se réveille avec Marcelo, bah, c'est différent, on a changé d'époque. Repartons dans cette époque brésilienne des années 80. La dictature se servait-elle du football comme outil de propagande, j'imagine, et aussi de corruption et de pouvoir? Alors, comme outil de propagande, c'est certain. On a entendu beaucoup de musique brésilienne. La dictature a, au contraire, joué contre les musiciens brésiliens, amené Chico Buarque à s'exiler. Donc, en termes de lien avec le peuple, il restait moins de canaux, puisque la musique populaire est quand même un canal de transmission des idées. Donc le football a joué ce rôle. Il faut pas oublier que sur les premières Coupes du Monde gagnées par le Brésil, il y en a deux qui sont gagnées dans la période la plus sanglante. 58-62 ? Alors pardon, une seule, celle de 70 qui est gagnée. 70, parce qu'avant, pour le Brésil, il y a eu 58, 62. Et 62 qui sont gagnés avant, effectivement. 70, 94 et 2002. Exactement, donc c'est 70 surtout qui est gagné, avec aussi l'équipe malchanceuse de 66 à laquelle je pensais, qui effectivement n'est pas gagnée. Donc oui, il joue aussi en partie grâce au club de Pelé, le Santos, et c'est ce qui revient souvent dans les commentaires des Brésiliens. Donc il y a quelque chose du lien aux classes populaires qui se joue certainement en Amérique latine, beaucoup plus qu'en Europe. Ou en Europe, bon, effectivement, le public du football est populaire, c'est très clair en Angleterre, c'est assez clair en Allemagne, en Italie, mais pas forcément partout. Il y a des publics qui sont plus mélangés. Alors, au début des années 80, la dictature semble quand même aux abois. Elle est en place depuis 64 et elle est obligée de mettre en place cette politique d'abertura. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ouverture, j'imagine. C'est ça, en fait? Oui, elle est sans doute contrainte par l'économie. Je parle pas portugais. Hein, c'est pas ça. Alors, je parle assez mal. Je parlais mieux à l'époque où j'ai travaillé sur la démocratie corinthienne. Je l'ai pas pratiqué depuis plusieurs années. C'est effectivement d'ouverture. Elle est mise à mal par la crise économique qui, en fait, a été une des conditions du coup d'État. Le coup d'État de 64 arrive après une période économique un peu plus compliquée. Là, on vit aussi une période un peu plus compliquée au Brésil qui explique en grande partie le vote pour Bolsonaro. Il y a un élément qu'on sous-estime souvent, que mes amis brésiliens mettent en avant, qui est la loi de 79, qui d'après eux est celle qui marque le début de l'abertura, qui est une loi qui paraît très choquante de nos jours, mais qui à l'époque a signalé un progrès, qui est une loi d'amnistie. D'amnistie pour les exilés, ce qui fait qu'un grand nombre d'exilés peuvent revenir. Ils le font pas toujours, mais en tous les cas, ils pourraient en théorie. Mais qui est aussi une loi d'amnistie pour les tortionnaires, ce qui fait qu'au Brésil de nos jours, beaucoup de tortionnaires n'ont pas été jugés, même si beaucoup de personnes qui ont souffert de dictature ont eu droit à des compensations avec des épisodes un peu troubles où on ouvre certaines archives mais pas d'autres. On ouvre celles de l'État, pas celles des militaires. Donc oui, il y a une période d'abertura qui commence plutôt vers 79. Donc en 81, 82 ou même jusqu'en 84, on est déjà probablement dans une deuxième partie de cette abertura avec une crise compliquée. On a plus de 200% d'inflation certaines années à cette période-là. À comparer en France, on va dans les 15% et on trouvait ça déjà très très compliqué. Donc si vous vous souvenez de l'époque. Oui. Et donc la dictature est forcée. La démocratie corinthienne accompagne le mouvement, elle lui donne une espèce de caisse voilà, de résonance. Voilà, c'est en fait, elle l'incarne, elle l'accompagne, elle n'est pas la source de cette ouverture. Peut-être que c'en est son incarnation, justement. C'est l'incarnation la plus visible. L'intérêt du football, justement, c'est de rendre les choses très visibles. On dit souvent que le geste de Socrates, qui est de célébrer ses buts avec un point levé, il l'a hérité d'un joueur qui a beaucoup marqué l'histoire du Brésil, enfin du football brésilien, pas forcément en Europe, mais là-bas, qui était Reinaldo, et qui célébrait ainsi ses buts pendant la dictature, mais c'est quelque chose qui n'a pas marqué. Mmh. En partie parce qu'il n'y avait pas, pendant les années 70, quand il le faisait, les conditions nécessaires pour que les médias locaux puissent suffisamment en parler, pour que ce soit repris par les médias internationaux. Il y a tout un système de résonance qui est assez compliqué à comprendre dès qu'il s'agit de phénomènes culturels. Alors oui, c'est assez fascinant, les liens entre l'émergence du parti travailleur, de Lula, et la démocratie corinthienne. Les deux naissent à peu près à la même époque, ils se nourrissent même, ils s'auto-nourrissent de leurs idées, de leurs besoins de démocratie. Je crois surtout qu'ils naissent au même endroit, je crois qu'ils naissent surtout à São Paulo, je crois que c'est ça la question importante, qui est l'état le plus peuplé du Brésil, déjà, à l'époque, depuis déjà quelques temps, qui est l'état, entre guillemets, le plus ouvrier, et en même temps un état qui économiquement est plutôt prospère sur le long terme, pas forcément à ce moment-là. Donc il y a des liens qui sont très forts et qui sont de nouveau liés à l'économie locale. On va écouter un extrait du documentaire Démocratie en noir et blanc, dans lequel le sociologue, un confrère, José Paulo Florenzano, remet en question la relation entre le football et ce qu'on appelle communément l'opium du peuple. L'avènement de la démocratie corinthienne dans le club le plus populaire de São Paulo, un des plus populaires du Brésil, avec la visibilité que ça implique, était un facteur déstabilisant du concept d'opium du peuple et de tous ceux qui pensaient utiliser le football comme une arme pour dominer culturellement la classe ouvrière. Voilà, je crois que là est l'essentiel pour une fois. Le foot a été un moyen d'émancipation, alors qu'il est souvent montré servile hein, face aux dictatures, l'Italie de 34 et de 38, l'Argentine de 78, toutes les deux champions du monde d'ailleurs, ces années-là. Donc c'est ça qui est fort dans l'expérience corinthienne, c'est qu'on transforme l'opium du peuple en gradin de conscience. Ouais. Alors c'est intéressant, il faut revenir sur 1978 qui est l'objet d'un débat entre universitaires. Ne parlant pas espagnol, je ne peux pas vous donner d'avis définitif là-dessus, mais là où une certaine école entend dans les chants dans les stades pendant la Coupe du Monde 78 plutôt quelque chose qui serait de l'ordre du soutien au régime, d'autres vous diront au contraire les stades de football à cette époque-là, y compris pendant certains matchs de la Coupe du Monde, dénoncent la dictature. Donc il y a un rapport quand même compliqué. On utilise une caisse de résonance, mais on ne peut pas empêcher 80 000 personnes ou même 40 000 quand on a aussi peu de parler, de chanter. Donc la question de l'opium du peuple, c'est une question qui est effectivement très très ambigu. On est entre un jeu donné au peuple pour éviter qu'il se politise. En même temps, je pense qu'il y a peu de choses aussi politisées que le football. On le voit bien de nos jours, même en Europe, où il y a un certain nombre de questions qui se posent, par exemple aujourd'hui dans le débat public sur les gilets jaunes, qui se posent depuis plusieurs années autour du contrôle des supporters, des libertés, du contrôle des libertés publiques, du maintien de ces libertés publiques. Il y a beaucoup d'autres questions, certaines sur lesquelles j'ai travaillé. Seb Blatter, qui est un ancien président de la FIFA, disait souvent un supporter de football ne peut pas s'identifier à un joueur étranger, c'est atroce, l'équipe d'Arsenal, puisque c'était elle à l'époque, n'a pas de joueur anglais. En fait, quand vous y réfléchissez, c'est un point de vue politique, c'est-à-dire qu'on considère qu'un supporter de foot, parce qu'il est anglais, parce qu'il est de classe populaire, est forcément xénophobe, c'est pas forcément quelque chose qui a du sens. Donc il y a du politique partout dans le football, parce qu'il y a du nombre, parce qu'il y a de l'expression directe difficile à censurer. Donc, il faut faire très très attention à tout ce qu'on dit. Le politique étant pas forcément non plus là où on le cherche. Le politique, c'est pas uniquement appelé à des élections libres, même si là, c'est très très caractéristique. Qui est ce profil atypique, Adilson Montero Alves? Ce jeune sociologue, qui est encore un de vos confrères, qui est devenu directeur sportif des Corinthians. D'où il vient celui-là et qu'est-ce qu'il porte? C'est quoi son destin finalement? Alors il est le fils d'un ancien directeur sportif du club, d'une famille qui est très présente dans le club. Il a effectivement, comme vous l'avez bien décrit, un passé d'opposant qui a fait de la prison. Il est relativement jeune, même si les directeurs sportifs sont parfois jeunes. Effectivement, dans les clubs de foot, il doit avoir 35 ans quand il devient directeur sportif. Et surtout, ce qui est intéressant dans son destin, c'est qu'il en fait un destin politique plutôt qu'un destin de directeur sportif. Oui. C'est lui qui initie cette idée de démocratie corinthienne, même si par la suite, l'accent est mis surtout sur Socrates, qui est une figure médiatique et avec laquelle il est difficile de lutter en tant que directeur sportif, mais c'est lui qui initie ce mouvement où, contrairement à ce qu'on a lu et écrit, ce n'est pas un joueur une voix, c'est bien une personne du club une voix. Dans les comptes rendus qui sont faits par les acteurs mêmes, il insiste sur le fait qu'un jardinier avait une voix qui avait autant d'importance. Il faut voir ce que ça donne en dynamique interne si le jardinier aurait osé voter contre Socrates. Exactement. On sait ce qu'il en est des effets d'entraînement, de groupe, de leader, c'est assez compliqué. Mmh. Mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Il y a aussi un élément qui a eu une grande résonance au Brésil, qui est la fin des mises au vert. Pour une raison toute bête, on appelle ça en portugais concentração, donc concentration, qui évoque beaucoup d'autres choses. Notamment probablement, d'après ce que m'ont dit donc toujours mes sources brésiliennes, quelque chose de l'ordre de la prison, du travail encadré. Voilà, il a mis en place tout un système. Il s'en est d'ailleurs beaucoup expliqué par la suite, même quand il a repris une carrière plus tranquille. Alors, est-ce que ce modèle de démocratie corinthienne par le foot aurait pu fonctionner sans les résultats sportifs? Est-ce qu'il fallait les deux? Ça, c'est la vraie question, ouais. Puisqu'elle s'arrête dès qu'il n'y a plus de résultats sportifs. Eh oui, tiens, comme par hasard. Comme par hasard. C'est pour ça l'article que j'avais écrit sur ce sujet avec un confrère qui était à Brecht Zantag était une commande, mais pour un journal de management. Mais c'est compliqué de dire que l'expérience a fonctionné puisqu'elle s'arrête au bout de 3 ans. Ça s'arrête quand même très très vite. Dès qu'il n'y a pas de résultats sportifs, on sait en entreprise à quel point les résultats, qu'ils soient sportifs ou économiques, plutôt dans le cas d'une entreprise, sont importants. Donc il faudrait voir, comparer à d'autres systèmes d'autogestion, voir combien de temps ils durent, s'ils arrivent à durer indépendamment des résultats financiers. Mais le plus probable, c'est que il y a eu une volonté quand même du club qui a laissé faire, même les organes dirigeants du club ont laissé faire cette démocratie. Ils auraient pu tout à fait, il y a quand même des conseils d'administration, d'autres éléments, donc il faut leur faire ce crédit. De façon intéressante, il y avait une élection où, enfin, Valdemar Pires a été élu. Il n'est pas là par hasard. Donc, il y a des éléments de démocratie qui sont préexistants et qui vont le rester dans une certaine mesure par la suite. Mais l'autogestion, effectivement, ne dure qu'un temps. Il faut savoir qu'il y a d'autres éléments d'autogestion qui sont rapportés dans le foot. Oui. On nous parle d'autogestion de l'équipe de 58, donc justement la première qui gagne la Coupe du Monde. Mmh. J'ai pas étudié la question en détail. On peut pas vous dire à quel point elle est en autogestion. On parle aussi d'une ou deux équipes dans les années 70, mais ce sont toutes des expériences qui tournent court. Est-ce que Zico et Falcao, les deux grandes vedettes, non pas des Corinthians, mais de l'équipe du Brésil, qui sont allés jouer en Italie aussi, avant que Socrates n'y aille à son tour, est-ce qu'ils étaient en même trip, Zico et Falcao, ou est-ce qu'ils regardaient leur copain Socrates comme un original? Est-ce qu'on sait ça? Alors là, j'ai pas d'informations là-dessus. J'ai pas l'impression qu'il soit beaucoup exprimé publiquement, mais c'est une constante dans le foot où il y a des enjeux économiques au niveau personnel. Quelqu'un qui vient d'un milieu qui est pas très favorisé peut se taire pour garder des contrats lucratifs, et des sélections. On va terminer avec un extrait du documentaire Les Rebelles du foot, et c'est le réalisateur britannique Ken Loach qui aura le fin mot de cette émission. Il revient sur la notion de collectif dans le football et la société. Mais nous vivons dans une société qui politiquement dit que l'individu est roi et dénigre le collectif. Nous avons un gouvernement aujourd'hui dans notre pays, et nous avons eu un gouvernement pendant les 30 dernières années qui ont essayé de détruire l'idée même d'action collective. Et qui ont essayé de faire disparaître cette idée de nous voir travailler comme une équipe pour se contenter d'affirmer les droits de l'individu. Eh bien, le football te montre que ça ne marche pas. Le football montre, tous les sports d'équipe montrent qu'on doit travailler collectivement. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça renvoie à des travaux que vous avez menés. Oui, c'est un débat classique. Oui. En sociologie, en sciences politiques, en anthropologie, sur le lien entre individualisme et action collective. Et organisation créative. Alors ce concept-là. C'est un concept qui vient beaucoup du management. Parce que vous parlez du football comme ça, vous? On parle alors surtout de cette expérience-là. On nous avait demandé de nous intéresser au football comme organisation créative. Là, il y a quelque chose d'intéressant, une organisation qui arrive à créer quelque chose de nouveau. Là, on voit que ça dure pas tellement. Donc, je sais pas si c'est une bonne expérience in fine ou dont on peut tirer beaucoup de leçons, mais beaucoup d'organisations cherchent en tout cas de nos jours à devenir créatives. Mais en encadrant la créativité, on est loin souvent d'expérience de Corinthians, plus dans le domaine de la start-up qui essaie de créer l'entrepreneuriat en interne, qui essaie de... Donc c'est pas forcément non plus des idéaux très révolutionnaires. Ça a duré 3 ans, on s'en souvient. Ah, on s'en souvient, donc, ça c'est très important. C'est très important. Finalement, le mot de la fin, je vais le laisser à Socrates. Tiens, il avait prononcé ses mots quelques mois avant sa mort. Il disait « Jouer aux Corinthians, c'est respecter une culture, un peuple, une nation. C'est être appelé à disputer une guerre irrationnelle et ne jamais douter qu'il s'agit de la plus importante. C'est penser comme Marx, se battre comme Napoléon, prier comme le Dalai Lama, c'est offrir comme Mandela sa vie à une cause et pleurer comme un bébé. » On n'y a rien d'autre après ça. Hein, ça conclut bien l'émission. Exactement. Merci infiniment. Au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Socrates, c'est les Corinthians. C'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur le site de France Inter, bien sûr. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, et je remercie Ludovic Asselot.